parce que nos parents sont sans dessein. Ça veut pas dire qu'ils sont pas fins. Mais souvent, du monde qui sont trop fins sont pas assez intelligents. Parce qu'être trop fin, c'est pas toujours bon. Mais être intelligent, c'est toujours utile. Les parents trop fins, là, ça désastralise pas des enfants. Ça rendu, le gars, il fait son affaire à 17, 18, 19 ans, il rendu un plus simple, la bonne femme à pleurer. Attends devant le juge, puis elle dit, bon, mais j'ai fait mon possible pour mon petit. Fait que pourquoi? Un manque de prévention.